Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Ahmed Sparrow. Salut tout le monde, je ne sais pas à qui je dois parler, à toi ou au peuple. Salut Ahmed, le peuple te salue et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est un honneur. Bah, je t'en prie. C'est un plaisir de te recevoir et tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter. Chez Click, j'avais une fois, je ne sais pas, j'étais arrivé, j'étais trop confiant et... Et je sais pas, d'habitude, je parle jamais au public là-bas, je parlais jamais au public. Mmh. Et un jour, il m'est arrivé de parler au public. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais chaud, j'arrivais, je commençais ma chronique, les premières blagues marchaient bien. J'étais chaud, il y avait un mec dans le public qui avait des lunettes et de soleil. Et ouais. Donc, je commence à l'attaquer et je lui parle et je vois qu'il me regarde pas. Je dis, oh, je suis là. Et en fait, je me rends compte qu'il est aveugle, tu vois. Ah. Je me dis, oh merde. Et je comprends qu'il est aveugle, donc je ne m'arrête pas sur le fait qu'il est aveugle. Donc je continue ma chronique comme si de rien n'était. Et je regarde Mouloud. Et Mouloud, il a compris. Il est mort de rire. Et moi, je suis mort de rire. Et je lui dis, mais je sais pourquoi tu rigoles. Eux, ils ont coupé au montage. On ne le voit pas au montage. Ils uh-huh. ont coupé. Uh-huh. Mais c'est vrai que ce moment était dur parce que tout le public me regarde genre, mais mec, il est aveugle. Qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, personne ne me prévient. C'est-à-dire, il n'y a personne de l'équipe qui me dit, ah, lui, il est aveugle. Et moi, à tous les gens du public qui sont là, il faut que je m'adresse à lui, tu vois. Alors que je ne parle jamais au public. Mais vraiment, je ne m'adresse jamais au public. Et là, ce soir-là, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai parlé, je suis tombé sur la mauvaise personne. Et des fois, ça arrive. Bah, oui, oui, c'est sûr. J'imagine que toi, ton but, ce n'était pas du tout de mettre tout le monde mal à l'aise et tout. Et, Bah, carrément pas, mais ça tombe dessus, tu vois. Après, j'ai été le voir à la fin et tout, il m'a dit non, cool et tout. C'était un rebeu, le mec, il m'a dit non, cool, tout ça. Je suis désolé, frérot. Bon, moi, je vois des lunettes et tout, vas-y. Et je vois pas de quinte, je vois rien, tu vois. Donc, dans ma tête, c'est juste un mec qui est là, qui est en mode. Un peu trop stylé, quoi. Télé-réalité, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. Et heureusement qu'ils ont coupé ce passage-là au montage, sinon, j'aurais eu des problèmes. Ouais, ouais, bien sûr. Et au niveau du gars, je veux dire, comment il l'a pris, lui? Est-ce qu'il l'a pris avec le sourire? Est-ce que... Ouais, non, ça va, il l'a pris plutôt cool. Il m'a dit, on peut faire une photo. Je dis, vas-y. Je ah, dis, mais sympa. Tu vas pas la voir et tout. Il m'a dit, oh, c'est pas grave. Ouais, bah, il fallait que j'aille jusqu'au bout. À un moment donné, c'est vrai. Je dis, mais tu vas pas la voir, la photo. Voilà, très cool, très cool. Et ça s'est bien fini. Donc, ouais, cool, quoi. Bah, je pense qu'en fait, ça se passe mal quand la personne, elle a une mauvaise intention à la base, tu vois. Si ton but, c'était vraiment de le roaster, tu vois, vraiment, là, ça aurait pu partir en vrille, alors que là, c'était juste histoire d'habiller un petit peu ta chronique. Ouais, ça va, il y avait pas, ça rigolait, je suis là, je me retourne vers le public, ça va, non, bah, toi, t'es là, hop. Alors, j'ai jamais fait ça, tu vois. Mais ça, c'est pour le karma, et il m'a fait comprendre que, va pas faire des trucs que t'as pas besoin de faire, tu vois. Reste à ta place, fais des trucs... nécessaire et fais pas des trucs qui ne servent à rien. Par contre, t'as dû finir avec quelques perles de sueur sur le front et tout. Ça va, je suis pas trop un mec qui transpire, mais j'étais pas bien. Il y a une fois aussi, je démarre ma chronique, c'était Juliette Binoche, et j'arrive et je sors une phrase. Parce que moi, pour savoir que mes chroniques, je les écrivais la veille, toujours du travail de dernière minute. Donc je les écris la veille, je les finis le matin, et même genre 30 minutes avant de monter, je connais pas ma chronique. Je la connais pas. Donc, je suis là, je m'isole pendant 10-15 minutes et je me la remets en tête. Et j'y vais et je monte et je rentre. Et Juliette Binoche, première phrase, ça rigole, paf, paf. Et là, j'ai un blanc, genre, un blanc au bout d'une phrase. Ça m'est jamais arrivé sur scène, tous ces trucs-là. Parce que t'étais impressionné, peut-être ou... Même pas. J'ai eu un blanc. Mais le truc, c'est quand t'as un blanc et tu cherches ton blanc, tu te retrouves que dans du blanc. Vraiment. C'est vrai. Quand t'as un blanc et tu cherches ton blanc, t'es mort, t'es dans une boucle infinie. Donc j'étais dans une boucle infinie de blanc, ça bougeait pas. Et j'étais pas autant à l'aise que, tu vois, c'était un peu les débuts et tout, tu vois. Mais après, sur scène, je pense que les blancs, ça passe mieux parce que ce qui va se passer, c'est que le public, naturellement, il y a un réflexe d'applaudir. Et quand ils t'applaudissent, t'as le temps de récupérer et hop, tu retrouves ton texte et tu repars, tu vois. Mais ouais, à la télé, c'est impossible. C'est compliqué parce qu'il y a toutes les caméras, c'est du one shot, tu vois. Voilà, il y a l'invité, tu connais pas, tu vois, c'est un petit comité, il faut y aller. Elle a été cool, elle m'a dit cool. Mouloud est tranquille. Elle m'a dit ressort, vas-y, retruque, on est là. Et après, je suis revenu, j'ai refait. Mais en blague, je l'ai changé en impro. Et après, ça a rigolé, même le public qui était là avec moi, donc c'est cool. Ah, mais tu vois, j'aurais pensé qu'il y avait un prompteur en secours, quoi. Non, je ne mets pas de prompteur, moi. D'accord. Je ne peux pas me dire je vais faire une chronique avec un prompteur. Si je ne fais pas ça sur scène, je ne vais pas le faire à la télé. Ouais. Il y en a qui le font, hein, mais je pense que c'est la vieille école ou tout ça. Moi, prompteur, ça ne m'intéresse pas. Je viens, j'ai mon truc. Même arriver avec une fiche là, comme à la radio ou lire mon truc, c'est pas mon délire non plus. Mais ça doit être chaud quand même de. Si j'ai un truc que j'ai écrit, je l'ai dans la tête, je le dis avec mes mots et ça va sortir comme ça. C'est ouais, juste que là, ouais, je ne me rappelais plus de même de l'idée du truc, je ne me rappelais plus, parce que moi, une fois que j'ai l'idée, je vais le sortir avec mes mots, vas-y, c'est pas grave. Mm-hmm. Mais là, je ne me rappelais plus de rien. Alors je l'avais au bout de la langue, je le voyais, mais je ne le trouvais pas. Donc, du coup, 2 minutes, ça a duré genre 30 secondes. Ah dans ta tête, les 30 secondes, elles ont fait combien de temps? Elles ouais, ont fait elles ont 2 jours? duré 1 heure. C'était trop long. Après, elle a dit, bon, vas-y. Après, elle a dit, tranquille, tu ressens. On a refait une entrée, j'ai redémarré ma chronique. Ah, tu vois, parce bon. que moi, comme moi, j'ai tellement, j'aime tellement bien réussir ce que je fais que dans ma tête, c'est pas concevable de recommencer un truc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que tout le monde le fait. Hein. Mais moi, dans ma tête, non. D'accord. Ouais, c'est ton côté, tu veux garder ton côté spontané, naturel et tout, ouais, quoi. J'aime bien quand ça arrive, c'est du one shot, je me casse et salut, ciao. C'est bien, et puis heureusement, je veux dire, ça s'est pas mal terminé, quoi. Je veux dire, tu as pu faire ta chronique, et puis la chronique, au Oui, final, la chronique elle a s'est bien fonctionné. passée et tout, non, c'est cool, ouais. Ah, Oh. ben c'est cool. Et tu as eu d'autres galères, du coup, comme ça, en chronique ou sur scène, peut-être? En chronique, non, je crois que c'est les 2 seules galères que j'ai eues. C'est vrai que faire des chroniques sur Click et tout, bah déjà, c'est super, vraiment. C'est une belle exposition, une belle visibilité, un bel exercice, mais ça doit être stressant. Est-ce que toi, par exemple, il y a des invités? Tu t'es dit vraiment là, je vais pas pouvoir vanner parce que cet invité-là, j'ai passé une partie de ma vie à le suivre ou je sais pas quoi et c'est trop pour moi de. Non, au contraire, parce que je sais que j'ai reçu Kery James, enfin, on a reçu Kery James ou IAM, ou c'est des gens que j'ai beaucoup écoutés dans ma jeunesse, et c'est peut-être les chroniques où j'ai pris le plus de plaisir, parce qu'au contraire, j'aimais bien ce qu'ils faisaient, tu vois. D'accord. J'arrivais avec Kery, vas-y, c'est comme la femme, dans ma tête, c'est la famille, c'est un mec du 9-4, je suis du 9-4, alors qu'on s'était jamais vu, il savait qui j'étais, mais tu vois, c'est comme si je rencontrais un grand de la cité. Pareil pour IAM, c'est comme si je rencontrais des grands frères, donc. Soprano, pareil, tu vois. Donc, c'est des gens que j'ai beaucoup écoutés dans ma jeunesse. Donc, quand j'arrive, c'est cool. C'est beau, ouais, de pouvoir avoir cette capacité de faire une chronique, par exemple, même devant quelqu'un que tu admires. Je pense que je suis encore plus détendu quand c'est des gens que je connais. Tu vois, parce que j'ai beaucoup écouté. Et donc, du coup, c'est comme si c'est des gens que je connaissais bien. Et j'arrive, je suis tranquille. C'est comme si je jouais devant des potes, quoi. Et ça s'est super bien passé à chaque fois, tu vois. Celui Penser avec lequel ça s'est le moins bien passé, c'est Dupont-Moretti. T'écoutais pas ses albums quand t'étais petit? J'écoutais pas les albums de Dupont-Moretti, non. Non, non, mais il était mais d'une froideur. En plus, avant que j'arrive, il avait mis une ambiance sur le plateau. Lui, il vient, en fait, il maîtrise tellement les mots que quand il va dans une émission, c'est lui qui donne le tempo de l'émission et qui dicte un peu l'ambiance de l'émission. D'ailleurs, vous avez Clément Viktorovitch qui a Ouais, dû même certainement. Clément, là, il était. C'est un as, l'autre. Ah ouais, d'accord. Même Ah, lui, il il était. a. Ouais, J'allais dire. il a désarçonné tout le monde. Ouais, Même les d'accord. chroniqueuses, les filles, elles étaient pas, tu vois, c'était pas, elles se sentaient pas au top du top parce qu'il en impose beaucoup, tu vois. Il n'a pas Ouais. été méchant ou violent ou quoi, mais c'est comme ça, il a une aura, tu vois, donc il en impose beaucoup. Comme je regarde jamais le début de l'émission, je ne sais pas comment c'est, tu vois. Des fois ça t'aide, des fois ça t'aide pas. Pour Kery James, moi je n'avais pas vu le début de l'émission, mais au début de l'émission, Kery il est en pleurs parce qu'il montre des images de DJ Mehdi et tout, tu vois. Et moi je le sais pas, ça, moi si je vois ça, j'arrive pas dans la même énergie sur ma chronique. Ah, il est dans le bad et tout, vas-y, relou de faire des blagues. Mais là je le sais pas, donc j'arrive et au contraire, c'est tant mieux. Mais il y a des fois, c'est mieux de savoir. Et Dupont-Moretti, ça aurait été mieux, par exemple. C'est sûr, mais je pense qu'il fait partie des personnes qui veulent garder un certain contrôle sur leur image et qui ne veulent pas se laisser piéger par les autres, tu vois. Je pense que ça aurait été la même chose si tu avais reçu des gens comme Zemmour, par exemple. Tu Ah, je vois, pense il y a aussi. Zemmour. En fait, Zemmour, parce que Dupond-Moretti, je ne connaissais pas trop. Je savais que c'était un avocat, mais moi, dans ma tête, vu les gens qui l'avaient défendu, je me suis dit, vas-y, cool, il défend les rebeux et tout, il va être cool, tu vois. Ouais. Mais pas du tout. Hey, pas du tout. Ah, une froideur, il n'a pas esquissé un sourire. Oh là là. Donc, relou, mais je pense Zemmour, si Zemmour il avait été là, j'aurais rigolé, parce que je connais bien le personnage. D'accord. Et moi, Zemmour, je ne le vois pas comme un ennemi, je le vois comme un mec qui divertit, tu vois. Ah non, mais moi, tu sais, comme moi, je le dis, hein, sur scène, Zemmour, il ne me fait pas peur. Parce que tout ce que sort de la bouche de Zemmour, c'est du Éric Zemmour. Il fait pas rep, on sait ce qu'il va dire. C'est bon, on connaît Jean-Marie Le Pen, c'est bon, on sait ce qu'il va dire, ça me fait pas peur, moi. Moi, ceux qui me font peur, c'est ceux qui cachent leur jeu, c'est eux les pires. Ouais. Moi, Eric, il vient, au contraire, je rigole avec lui, moi. C'est bon, c'est. Et tu vois, il a au moins cette honnêteté de dire les choses. Tu sais, on vit dans une société d'hypocrites où les gens ne disent pas les choses. Ok, tu nous aimes pas, c'est pas grave. Moi, je t'aime pas non plus, mais au moins, tu dis ce que t'es. Je sais que je peux bien rigoler avec lui. Je pense que si j'ai Zemmour en face de moi, je pense que je rigole bien. Ah, mais j'ai je tellement. Pense que je peux faire une bonne chronique. C'est sûr, c'est sûr. Ben Eric, si jamais tu nous écoutes, voilà, hein, n'hésite pas à écrire à clic. Mais un jour, hein. Un jour, je pense Eric Zemmour, ouais. J'aimerais bien l'avoir en face de moi pour une chronique, pas pour discuter. On ne fait pas le même métier. Moi, je viens, je fais des blagues, je ne suis pas là pour. Ça, c'est le problème, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent. Chacun doit comprendre quel est son métier et ce qu'on doit faire. Et je pense que nous, en tant qu'humoristes, si on a des choses à dire, on doit les dire dans notre métier, dans le domaine de notre métier, c'est-à-dire sur scène, pendant une chronique. Et on ne doit pas venir sur des plateaux politiques et venir discuter, ça ne sert à rien, ils sont meilleurs que nous. C'est leur domaine. Bah, la rhétorique, ouais, c'est leur art, tu vois. C'est leur truc. Donc nous, on doit combattre avec nos armes. Mm-hmm. Nos armes, c'est l'humour. C'est l'humour. Ouais, c'est donc, clair. Moi, je viens, si je veux dire des trucs qui me tiennent à cœur, que ce soit politique ou social, bah, je le dirai avec humour et à ma manière. Et pas sur un plateau avec une ambiance froide et personne qui rigole, c'est pas intéressant. C'est clair. Et est-ce que déjà, par exemple, sur scène, est-ce que tu as déjà eu dans ta salle des personnes, parce que j'imagine qu'il y a quand même pas mal de guests qui sont venus voir ton spectacle depuis le temps maintenant, est-ce qu'il y a eu des gens dans la salle où tu t'es dit « Oh non, il est là ». Tu es un peu genre « Je vais avoir du mal à jouer devant cette personne-là ou... ». Ben, je ne sais même pas qui est dans ma salle à chaque fois. Tu regardes pas, ouais, tu ne demandes pas que la lumière soit allumée au début ou... Même quand j'allume la lumière, je ne les vois pas. Franchement, je vois les premiers rangs, je ne calcule pas trop, je sais que j'ai... Des gens qui sont venus et je l'ai vu qu'après. Ils t'écrivent après sur Insta. Ouais, et tout. Après, j'ai pas eu trop de guests en vrai, tu vois. Je sais pas ce qu'on appelle des guests, mais moi, j'ai pas ça, moi, dans ma salle. D'accord. Non, moi, j'ai des gens du peuple qui viennent. Ah, mais c'est bien. Bah, à la base, tu jouais devant eux et aujourd'hui, tu les as toujours et tu as une plus grande visibilité. Ouais, non, moi, j'ai ça. Moi, j'ai pas de. Les guests, moi, je suis pas dans. Parce que je suis pas un mec qui traîne avec le... Le showbiz. C'est pas le showbiz pour moi, j'appelle pas ça le showbiz, mais les gens. Je traîne pas avec les gens parce qu'ils sont connus. Toujours mes amis, c'est le côté humain. Sinon, et puis, comme je dis, moi, j'ai grandi en banlieue et j'ai toujours mes amis avec qui j'ai grandi de banlieue, tu vois. Ouais, tu sais. Et j'ai ma famille. Au-delà de savoir d'où je viens, c'est que j'étais une bonne personne avant, sans me vanter ou quoi. Je pense que je suis une bonne personne avant de faire de l'humour. Donc, j'ai des amis avant. Ceux qui n'ont pas d'amis d'avant, c'est qu'on sait quel genre de personne c'est. Mmh. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas d'amis, tu vois, ils ne parlent pas avec les gens avec qui ils ont grandi ou qui te font croire j'ai grandi dans ça ou dans une cité. Mes frères, tu vas dans ta cité, tu rases les murs. Tu ne connais pas. Moi, je vais là où j'ai grandi, je traîne normal, je reste en bas de la cité. Et même dans n'importe quelle cité, j'y vais parce que pour moi, je suis un enfant de banlieue et toutes les banlieues, c'est la même chose pour moi, tu vois. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais avec Boudère dans son quartier. On a passé toute l'après-midi posé au quartier. C'est pas mon quartier, mais c'est comme si c'est mon quartier, tu vois. Boudère, il fait partie de ces gens-là, des gens qui. Tu vas dans son quartier, tout le monde passe, tout le monde le salue, il connaît tout le monde. Et moi, c'est pareil, je vais à la cité, je salue tout le monde me connaît, c'est comme ça. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai des amis dans le métier, hein, mais j'en ai pas. J'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup d'amis, mais j'ai pas un million d'amis avec qui je traîne beaucoup, tu vois. Mm-hmm. Parce que c'est un bon milieu de. Tu sais, les gens, ils sont là pour briller le plus. Moi, je suis pas là pour briller. J'aime l'art, j'aime mon métier. Je suis là pour briller et faire briller mon métier, pas pour briller moi et voilà. Me montrer plus que les autres et faire ça, c'est faire tout et n'importe quoi, me montrer partout. C'est pas mon délire, moi. Mm-hmm. Je veux faire ce que j'aime faire. Et de toute façon, c'est simple. Moi, je suis issu d'une grande famille de 12. Je suis en bas, je suis le dernier. Mm-hmm. Et si j'ai fait ce métier, c'est parce que j'aime pas qu'on me dicte ce que je dois faire. Ma mentalité, elle changera pas. Mmh. Ouais, c'est la liberté de la scène vraiment qui t'a attiré, quoi. Elle changera pas. Moi, je ferai toujours ce que j'ai envie de faire. Donc, si il faut être marginal et c'est ce que j'aime, bah, je serai marginal. Si c'est être marginal, c'est ce que j'aime. Je ferai ce que j'ai envie de faire. Je dirai ce que j'ai envie de dire et la manière dont j'ai envie de le dire. Ton objectif, c'est de conserver cette liberté et de jouer le plus longtemps possible. Ouais, quoi. C'est bon, ça m'a saoulé, moi, l'espèce de... Le bling-bling, quoi. Ouais, en fait, tu as l'impression que le grand public, il le cerne pas trop, ça. Parce que moi, des fois, on me dit, oh, mais pourquoi tu fais pas ça, ça, ça? Eh, mais faire ça, c'est pas un aboutissement pour moi. Il y a des trucs, pour moi, c'est pas un aboutissement. Qu'est-ce que ça change? Mais le grand public, il voit pas les dessous. C'est pour eux, s'ils te voient pas faire un truc à la télé, pour eux, t'existes pas. Eh, la scène, je joue tous les soirs. Moi. Tous les soirs, je joue. J'ai pas besoin d'une émission pour dire que j'existe. La scène, j'y suis tous les soirs. Ouais, bah c'est vrai qu'il y a des gens, quand tu leur dis que tu fais du mot, directement, ils vont te dire, ah, est-ce que tu vas aller au Jamel Comedy Club, le Marrakech du Rire, machin, tu vois, c'est les deux grosses références. Ouais, c'est Ouais, pas. Montreux aussi, ça commence à devenir une grosse référence, mais je veux dire, pour eux, c'est vraiment, c'est les choses, c'est une espèce de validation, quoi. Si tu as fait le Marrakech du Rire, c'est que tu es vraiment validé, par exemple. C'est ce qu'ils se disent, mais la vraie validation, c'est le public qui la donne. Peu importe les émissions et tout, on s'en fout. Pas parce que tu as fait ça que tu es meilleur qu'un autre, pas du tout. C'est clair, c'est des fois ça peut être des gens. Alors je parle pas spécialement de ces trois choses-là, genre du Jamel Comedy Club, du Marrakech du Rire et de Montreux, mais je veux dire, il y a des choses, des fois, des étapes qui peuvent paraître des validations pour le public, alors que c'est simplement que tu as un très bon attaché de presse, quoi. Ben moi, j'ai pas d'attaché de presse, donc. Du coup, tu peux te dire que tu t'es forgé tout seul et que tu continues à avancer. Mais ça, je me le dis. Hein. Ça, Ouais. je sais que j'attends après personne pour faire un truc. Mmh. Si j'obtiens un truc, c'est parce que c'est mon travail qui me le fait obtenir. Après, il y D'accord. a des rencontres qui te font avancer. Hein. Je ne cache pas que j'ai rencontré des gens avec qui, pas dire qu'ils m'ont appris, mais avec qui j'ai compris des choses, plein de choses, qui m'ont permis d'apprendre. Ce n'est pas eux qui m'ont appris directement, mais qui m'ont permis d'apprendre plein de choses sur le métier, parce que c'est des gens qui sont en avance sur moi et qui avaient fait beaucoup plus de choses. Donc forcément, tu apprends d'eux, tu vois. Mais après, ouais, mon travail, je le fais moi. C'est-à-dire que j'ai pas. En fait, ce qu'on m'a donné, on ne me l'a pas donné parce que je suis ami ou ami avec un tel. On me l'a donné pour mon travail et mon niveau. C'est-à-dire, quand j'ai fait Montreux, on ne m'a pas mis sur Montreux parce que. Je suis ami avec un tel ou avec un tel. Ou parce que l'autre, c'est son gars là, il m'appelle pour ça. Non, non. Je fais Montreux parce que le mec, il m'a vu jouer le Führer et il voulait que je vienne. D'ailleurs, c'est pour ça que je le refais encore. Là, en décembre. Mais ouais, non, c'est le travail. C'est comme ça que je vois les choses. Tu sais, j'ai jamais quémandé, j'ai jamais demandé quoi que ce soit. J'ai jamais fait partie de la troupe du Jamel Comedy Club. Tu vois, il y a plein de trucs que j'ai pas fait, tu vois. Pourtant, j'ai beaucoup d'amis qui ont été, tu vois. Et à aucun moment j'ai demandé ou toqué à la porte de quoi que ce soit. Hey, tout ce qui se fait, ça arrive. Tout ce qui doit arriver, ça arrive. Et j'attends après personne. Et je me dis, dans chaque mal, un bien. Si on peut dire que c'est un mal, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ben, je vois ce que tu veux dire. Et puis tu as une belle philosophie, ouais, de te dire, en gros, je dois bosser, je dois faire de mon mieux. Je monte comme sur le ring, comme un boxeur qui monte sur le ring tous les soirs pour remettre son titre en jeu. Et puis, de toute façon, si je suis bon, on viendra me chercher, quoi. Exactement, moi j'ai une philosophie, la vérité elle est sur scène. Tu vois, dans X-Files, ils disaient la vérité est ailleurs. Ben non, pour moi la vérité elle est sur scène. C'est vrai, c'est vrai. Ben, Tu franchement, vois? là, je crois qu'il n'y a pas mieux, en fait, parce que C'est c'est la vraiment. scène qui met tout le monde d'accord. T'arrives, t'es marrant, ils vont rigoler, fin de l'histoire. Tout tes bling-bling, tes apparitions dans je sais pas quoi, tes articles. De la merde ça. De la merde ça. Les gens ils font des articles parce qu'ils ont des attachés de presse. Eh moi, viens me voir parce que je suis marrant et le public il le sait. Un mec marrant, il s'en fout de l'article. Eh, il est marrant, il va le voir, fin de l'histoire. Et c'est comme ça que ça devrait marcher. Tu vois, ces conneries d'attaché de presse, ça sert juste pour avoir des articles, aller dans des émissions. Mais Ça peut aider, voilà, ça peut aider, on va dire, à juste. il y en a, ça les aide. Oui, Parce qu'ils voilà. ont besoin de ça. Moi-même, je me suis posé la question, attaché de presse ou pas, et franchement, je me dis que pour l'instant, non, j'en ai pas besoin pour l'instant. Oui, voilà. Mais je pense qu'un attaché de presse, tu vois, il faut pas, si tu veux, il faut pas tout miser sur l'attaché de presse, évidemment, mais ça peut aider après à passer d'autres. Tu vois, tu parlais de rencontres tout à l'heure. Bah, la rencontre, ça peut être aussi un bon attaché de presse qui va justement Mais mettre en tu sais, valeur. j'en ai rencontré des très cool. Hein, tu vois, et ça, franchement, bosser avec elle, ça me dérangerait même pas, tu vois. Mais D'accord. moi, je sais le travail que j'ai fait, moi, sans attaché de presse. Je sais entre guillemets, à mon niveau, ils ont tous une attaché de presse. Je crois, hein, je crois qu'ils ont tous une attaché de presse. Même des gens qui sont peut-être même pas à mon niveau, ils ont une attaché de presse. Tu sais, moi, des fois, je vois des articles et je me dis, ah ouais, quand même, ils lui ont fait un article. Je me dis, mais en fait, c'est des journalistes qui sortent même pas, en fait. Ils vont même pas voir ce qui se passe. Il va pas voir ce qui se passe, sinon ils auraient déjà fait des articles sur moi. C'est ce que je me dis. Je me dis, vous n'allez pas dans les comédie clubs, en fait. Vous Écoute, faites des classements de comédie club d'humoristes, mais vos classements, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes choses. Arrêtez vos salades, sérieusement. Venez, on parle sérieusement. Venez, on parle d'humour. Venez, on arrête de voir les. Mais eux, ils ne voient pas ça. Bah, j'ai l'impression que ça se développe un peu plus maintenant. J'ai l'impression que les journalistes humour, ils se déplacent un peu plus, tu vois, dans des salles comme le Barbès, le Fridge, le Paname, le Madame Sarfati, tu vois, voilà. Ils s'intéressent plus maintenant, c'est moins clôturé, tu vois, genre c'est moins cloîtré dans les théâtres et tout. Ils s'intéressent plus au vrai stand-up et dans toutes ses formes, tu vois. Donc, Pour moi, il n'y a pas de vrai stand-up. C'est la merde. Le stand-up, c'est comme la manière dont tu le fais, toi. Ton public, ça lui plaît, fin de l'histoire. C'est quoi le vrai? Pour moi, il n'y a pas de vérité. Ce n'est pas des mathématiques. On ne peut pas dire qu'il y a une manière de faire du stand-up. non, et c'est justement pour ça, c'est ça que je veux dire. Quand je te dis le vrai stand-up, c'est pas dans le sens certains en font du vrai et certains en font pas du vrai. Non, c'est dans le sens le vrai stand-up, il n'a pas un cadre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mec, tu vas le voir faire du stand-up à Montreux ou tu vas le voir faire du stand-up dans un bar, dans le Oui, sous-sol. dans là, tu parles de la discipline en Voilà. elle-même de faire du stand-up, pas de. Voilà, évidemment, Voilà. bien sûr. Et après, chacun fait du stand-up à sa façon. Tu vois, où il y en a qui vont aller vers du personnage, un peu du sketch-up, un peu, voilà. Mais je veux dire, le fait de sortir des théâtres et d'aller partout où il y a des gens qui se réclament du stand-up, pour moi, c'est ça le vrai stand-up et le vrai journalisme, en fait. C'est peut-être plus dans le sens du vrai journalisme que j'aurais dû dire ça. Ouais, mais ils font des classements d'attachés de presse, en vrai. Je te jure, moi, je ne les regarde jamais, ces classements-là. Je les Ouais. regarde jamais. Des fois, il m'arrive de tomber dessus, mais je les regarde jamais. Les classements de top humoriste, top révélation, des révélations de quoi? Ça fait 15 ans qu'il est là. De quoi tu me parles? Mais aller dans les plateaux, en fait, moi, c'est. En fait, moi, mon baromètre, il est très simple. Et en humour, il est très vérifiable. Je te demande pas d'aller dans leur spectacle, parce que dans leur spectacle, tu as un public. Va dans les comédie clubs, regarde un plateau et regarde le niveau de rire des uns et des autres. Pour moi, c'est le baromètre, il est palpable. Tout de suite, tu sais, tu as une réponse immédiate. Tu es là. Et après, eux, ils font selon leur goût, selon leur amitié avec les attachés de presse. C'est de la connerie. Et c'est pour ça que moi, maintenant, je fais mes trucs, je les poste sur Internet. Ça fait ses vues et j'en ai pas besoin de vos trucs, là. C'est bon. Le public, il est là déjà. Voilà, J'ai toi ce que fait mon rodage, c'était complet tout le temps. J'ai pas besoin d'articles pour remplir ma salle. De t'as toute façon, les gens qui lisent ces articles-là, ils vont même pas voir du stand-up. Donc, à quoi ça sert? Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une certaine distance des fois entre ces deux mondes, Et mais ils te font croire, ils ont des articles, leur salle, il n'y avait personne dans la salle. après, Faut ouais, arrêter, c'est de la poudre aux yeux, ça. moi, je vois, il y a des personnes qui vont dire qu'ils ont fait Avignon, qu'ils ont fait complet pendant tout le festival et tout machin. C'est un peu la même chose. Mais c'est vrai que la vérité, comme tu le disais, la vérité, elle est sur scène. Parce que les gens qui vont venir voir ton spectacle, c'est le bouche à oreille qui va fonctionner. Et quand tu vois un spectacle qui n'a pas de com, enfin de com, je parle de com payé, tu vois, genre des colonnes Maurice, des trucs comme ça, qui n'a pas vraiment de plan de promo et tout, mais qui continue à remplir à chaque fois, c'est que c'est forcément efficace et que les gens l'ont validé, quoi. Oui, bah oui. Après, ça met plus de temps, peut-être un peu plus de temps à s'installer, mais. Je trouve que c'est plus fidèle, tu vois. Quelqu'un qui va mettre plus de temps à s'installer, mais c'est le bouche à oreille qui l'a mis sur scène et qui remplit ses salles, je trouve que la personne va durer beaucoup plus et ça va certainement finir à terme par être un George Carlin ou quoi, tu vois, à 60 ans, 70 ans sur scène, que quelqu'un qui a fait un coup d'éclat en ayant un bon article ou un gros buzz. Il va remplir de ouf pendant 2 ans, 3 ans et après les gens se rappelleront même plus qui c'est. Un peu comme la Starac, quoi, tu vois. Oui, mais moi, de toute façon, moi, mon objectif, ce sera toujours, je ferai toujours de la scène. Peu importe ce que tu vois, je ne vais pas me mettre dans un truc, télé ou quoi, parce que je ne vais pas abandonner stand-up pour un autre truc. Je sais qu'il y en a, et c'est là que tu vois l'amour des uns et des autres pour la discipline. C'est qu'il y en a, dès qu'ils ont une autre branche, allez, salut, stand-up, je vais faire de l'argent là-bas, moi, c'est plus simple, c'est moins dur. Stand-up, c'est dur. C'est très dur. Mais moi je Un suis spectacle, c'est énorme, excessivement dur. En écrire deux, c'est laisse tomber trois, quatre, alors imagine. Tu ouais. vois, c'est vraiment beaucoup de travail, c'est très dur. Donc, Tu vois. dès qu'ils peuvent se barrer de là, ils se barrent pour faire de l'argent. Et c'est là que tu vois, en fait, leur amour qu'ils ont pour la discipline. En fait, ils s'en foutent, ils voulaient juste être connus et gagner de l'argent. Ouais, Et je fais pas ça pour ça, moi. Je fais pas ça pour être connu, gagner de l'argent ou serrer des meufs, j'ai pas besoin de ça. Donc, j'ai pas cette frustration-là, donc je suis pas un dalle. d'accord. Non, mais moi j'ai la même vision que toi, le même état d'esprit, c'est que je me dis que ça marche ou que ça marche pas, Le stand-up, c'est tellement quelque chose qui me plaît, ça fait tellement plaisir de monter sur scène et de partager avec des gens, même si des fois c'est douloureux et tout. Je sais que ça marche ou que ça marche pas, je ferai toujours de la scène parce que c'est vraiment mon but, c'est pas de briller ou quoi, mon but c'est juste de monter sur scène et de dire des choses aux gens, tu vois. Tu parlais de la difficulté de d'écrire des spectacles les uns après les autres. Moi, par exemple, quand je vois un artiste qui monte sur scène, il te sort que c'est son quatrième ou cinquième spectacle. Si le mec, tu regardes le cinquième spectacle et il y a 30 ou 40% du premier, je suis déçu, tu vois. Je suis vraiment Ouais, déçu. bah oui. Voilà, alors que quand tu as des gens, tu vois, on parle souvent de Jean-Marie Bigard, par exemple, par rapport à sa carrière. C'est vrai que bon, il a choisi une direction que tout le monde n'approuve pas au niveau de la vulgarité et tout, mais c'est un choix. Mais si tu regardes le côté technique, le mec, il a fait genre 10 spectacles, je crois qu'il a fait 10 spectacles totalement nouveaux, vraiment. Après, il a fait un best-of ou deux, mais il l'annonçait que c'était un best-of. Mais par contre, quand il disait nouveau spectacle, c'était un nouveau spectacle de A à Z. Et moi, c'est pour ça que c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté à ce niveau-là. Le mec, c'est un bosseur, quoi. Oui, c'est clair, c'est dur. C'est vrai que le secret de la longévité, en fait, c'est de ne pas avoir un objectif juste de briller. Le secret de la longévité, c'est vraiment d'être sur scène parce qu'on aime la scène et le public. Ben, le travail, c'est beaucoup de travail. Mais c'est pas grave, tu sais, des fois, je préfère manger des pierres debout que manger des repas 5 étoiles à genoux, tu vois. Moi, c'est pas grave. Si, de toute façon, je fais ce que j'aime. Déjà, c'est un luxe de faire ce qu'on aime et de pouvoir en vivre. Ça, c'est un luxe inestimable. Quand j'étais petit, sur ma vidéo, tu vas faire le métier que tu veux. Tu sais, en primaire, quel est le métier que vous voulez faire plus tard? On voulait tous faire le métier qu'on aimait voir. À ce moment-là, je ne savais pas que je voulais faire des blagues. Je l'ai compris en grandissant, mais les métiers que j'aimais voir, bah, je voulais faire footballeur parce que j'aimais bien voir les footballeurs à la télé. Et si, à cette époque-là, j'avais découvert l'humour, j'aurais dit, je veux faire de l'humour. C'est vrai que c'est rare, hein, les humoristes qui savent que dès qu'ils sont petits, tu vois, ils veulent faire ça vraiment. Ou Moi, après, il y a des menteurs. Il y a je... des menteurs. Les gens, ils mentent. Ouais, lui, il m'a inspiré. Qu'est-ce que tu racontes? Lui, il t'a inspiré. Il sort des proches et tout. Mais d'où tu connais des proches, toi? Casse-toi, tu l'as connu quand tu as commencé l'humour. Et encore, je te dis, cite-moi un sketch de des proches, tu n'es pas capable de le citer. C'est des menteurs, les gens. Que de la poudre aux yeux. Ils mentent, les gens, c'est là. Et moi, c'est des proches, il m'a pas inspiré des proches, moi. Même si j'avais vu des proches, jamais je me serais dit je veux faire ça, c'est sûr. Le mec, il me ressemble pas, il a pas ma manière de parler, il s'habille pas comme moi. En quoi je vais m'identifier à ce qu'il dit? Moi, je suis désolé, mais moi, je pars du principe où quand tu veux faire un truc, c'est que tu t'identifies à la personne des proches. J'avais rien pour m'identifier à des proches, je suis désolé. J'ai rien pour m'identifier à des proches. Je respecte beaucoup ce qu'il a fait, c'est un grand humoriste, ok. Mais c'est pas des proches qui m'a donné envie de faire l'humour. Et il y C'est en une... a, ils vont te dire, ouais, des proches, il m'a donné envie de faire l'humour. Arrêtez vos salades, s'il vous plaît. Et même pas qu'il y ait des proches, arrêtez de nous foutre de notre gueule. Moi, je suis clair, quand on me dit qui t'a donné envie, parce qu'il y a bien un déclic, et personne, moi, qui t'a donné envie, moi, je réponds direct, je suis clair et net. Dis-moi, c'est Thomas Ndigeau qui m'a donné envie. Mais je suis honnête. Et tu sais, c'est pas se mettre inférieur à Thomas ou quoi. Non, non, pas du tout. Thomas, il m'a donné envie. Quand je l'ai vu, j'ai dit, je veux faire ça. J'ai dit, il vient du 9-4, il a une manière de parler qui me parle, ce qu'il dit, ça me parle. Il est habillé, je connais tout ça, je connais. J'ai dit, si lui, il peut le faire, je peux le faire. Tu comprends? Ça te donne envie. Parce que tu te dis, il vient du même milieu que toi, il a à peu près le même parcours, le cursus, tu vois. Et il fait ça. Tu te dis, OK. Donc, on peut y arriver. C'est vrai que de voir des humoristes qui nous ressemblent et tout, et puis qui vivent un petit peu la même chose que nous, c'est beaucoup plus un déclic. Ouais, tu as totalement raison. Tu vois, on parlait tout à l'heure Comme des... ça, mais c'est Eh comme oui. ça. Mais aujourd'hui, de toute façon, on marche que par identification. Et c'est comme ça. Honnêtement. Après, Ça me... tu passes ce cap-là quand tu es vraiment ouvert. Moi, j'ai passé ce cap-là. Inconsciemment, c'est comme ça. C'est vrai que l'humour qui va nous parler le plus, c'est celui dans lequel on s'identifie. Tu vois, moi, je vois un truc tout bête. Un des sketchs de Gad, par exemple, qui m'avait marqué, c'était son sketch sur Ikea, tu vois, parce que j'entendais, tu sais, la blague qu'il avait sortie là sur le plat qu'on a tous dans l'entrée, dans lequel on met les Ouais. VIP, les stylos qui marchent plus et tout. Oui, après lui, comme il a de l'humour d'observation, bien sûr, ça parle aux gens, mais bien sûr, je vois ce que tu veux dire. J'ai toujours trouvé très fort ce qu'il faisait, mais c'est pas lui qui m'a donné envie de monter sur scène. Alors, je trouvais très fort ce qu'il faisait, je trouvais très drôle et tout, j'ai toujours rigolé. Même Jamel et tout, j'ai toujours rigolé, je rigolais. Mais c'est pas. Ça m'a pas. J'ai pas eu le déclic de hey, monte sur scène. Moi, c'est vrai que j'ai pas vraiment analysé ça au début. Tu sais, moi, j'écoutais Gad et tout. J'aimais beaucoup son spectacle La Vie Normale, tu vois. C'est un des premiers que j'avais découvert. Et tu vois, on parlait de Des Proches tout à l'heure. J'ai écouté Des Proches, j'ai écouté Coluche, j'ai écouté tous les autres. Mais c'est vrai que ce qui m'a vraiment donné envie de monter sur scène, c'est quand j'ai vu des gens comme moi faire le Jamel Comedy Club. Moi, c'est le Jamel Comedy Club aussi qui m'a donné envie, parce que je me disais, ces gens-là, ils sont pas connus. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, j'avais vu que des gens connus. Parce que j'avais accès que au mainstream, tu vois. Et quand j'ai vu cette nouvelle génération, le mec que tu vas croiser en bas de chez toi et tu le vois sur scène faire des vannes, tu dis, mais en fait, moi aussi, je peux le faire, tu vois. Et c'est exactement ce qui m'a donné envie de monter sur scène et de raconter un peu ma façon de voir les choses. Donc oui, on s'inspire beaucoup plus. On est beaucoup plus inspiré par quelqu'un qui nous ressemble et on se dit, c'est possible. Alors qu'avant, ça paraissait être un microcosme fermé, tu vois. Après, ouais, moi, j'aime bien dans ma salle. Dans ma salle, ça va, il y a très majoritairement... c'est des rebeux, hein. Même si tu vois, j'ai de tout, moi, vraiment dans ma salle, j'ai de tout. Mais tu vois, j'aime avoir des gens pas rebeux, entre guillemets. Ouais, de tous les horizons. Hein, beaucoup, moi, des fois, j'ai des familles de blancs et tout, tu vois. J'ai aucun problème à dire blanc, moi, j'ai pas de souci. Arabe, noir, blanc, il n'y a aucun racisme dans ce que je dis. Non, absolument. Mais moi, j'aime bien avoir de tout dans ma salle, parce que pour moi, mon discours, il est, entre guillemets, universel. Tu vois, j'ai pas de. Je parle pas, entre guillemets, universel en termes de coloris. Après, peut-être qu'il est... Mon discours peut être... Il peut diviser, je dirais, socialement. Mm-hmm. Parce que j'ai un... Socialement, je vais un d'en bas, donc forcément, l'écherie, c'est pas... voilà. La vie de riche, c'est pas ce que je connais le mieux. Donc, un riche, il se sentira pas représenté dans mon spectacle, tu vois, par exemple. Après, je parle de tout, hein. En tout cas, au niveau du coloris, au niveau des origines, je m'en tape, moi. C'est drôle, ouais. C'est drôle. On rigole, il n'y a pas de... Livrer ta vision des choses, en fait, à tout le monde, quoi. Ouais, je lis ma vision des choses. Si vous aimez, tant mieux. Si vous n'aimez pas, tant mieux. C'est que vous n'êtes pas fait pour être dans mon public. Mmh. Mais quelque part, c'est une bonne stratégie de ta part après de balancer tes vidéos sur le net, parce que les gens vont avoir un avant-goût comme ça et ils vont se dire, tiens, sa façon de parler, j'aime bien, son angle de vue me plaît, donc je vais aller découvrir le reste. Alors que si tu mettais rien, peut-être que des gens pourraient juger juste sur l'affiche ou juste sur ce qu'ils ont vu sur Click. Moi, je trouve que de délivrer un morceau de ce que tu fais sur scène, tu vois, c'est la meilleure carte de visite, parce que c'est en mode, regardez, voilà ce que je vous promets. C'est dans le même style, ce sera peut-être pas forcément ça, mais ce sera le même style. Ouais, voilà. Ouais, parce que je pense que pour un stand-upper, sa meilleure com, c'est le stand-up, c'est de faire du stand-up. Parce que c'est ce que tu veux que les gens viennent acheter et viennent voir. Donc, moi, souvent, on me dit, ouais, pourquoi tu fais pas des vidéos et tout ça, ou des trucs. J'ai mais moi, mon truc, c'est le stand-up. Si je fais une vidéo, est-ce que c'est la même discipline? Tu vois, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui vont voir des gens et ils sont déçus parce qu'ils disent, ah, mais c'est pas comme la vidéo. Bah ouais, là, il fait du stand-up, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes disciplines. Tu comprends? Donc, moi, ce que je vais te vendre, comme tu as dit, je vais te vendre du stand-up. Je te montre du stand-up. Pour moi, quand je fais une chronique, c'est du stand-up. Quand je balance des trucs, c'est du stand-up. Je le fais sur scène. Je te montre ce que je fais, en fait. Donc, forcément, quand tu viens, tu sais à quoi t'attendre. Je trouve que l'émission Click, tu vois, elle a un peu dépoussiéré le style des chroniques, parce que avant, ça faisait très scolaire, très chronique, un peu radio et tout, tu vois. Et aujourd'hui, Click, tu vois quelqu'un sur Click, en vrai, c'est un passage de stand-up, quoi, c'est clair. Ouais, Cyril Hanouna, et c'est pour ça que j'aime ce mec, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il dit. Que ce soit populaire, pas populaire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Cyril, peu importe ce qui t'est, truc, tu fais un bon taf, tu viens. C'est à l'américaine, j'aime bien ça. T'es noir, t'es arabe, asiatique, tout ce que tu veux, juif, tout ce que tu veux, on s'en fout. Il fait bosser tout le monde, Cyril. Si t'es bon, tu bosses. Et c'est le seul. Et pourtant, son émission cartonne. Ah oui, absolument. Oui. Mouloud a fait ça, Mouloud. Oui, oui. Click a apporté pas mal de couleurs, oui, en effet, et pas mal de diversité. Non, mais il y en a même en off. C'est-à-dire que même en off, il y en a. Ouais, dans l'équipe technique, tu veux dire. Ah oui. Mais c'est une réalité. Moi, pour moi, c'est pas de l'antiracisme ou du... Pour moi, ça devrait être logique. Parce que moi, ouais, quand je monte un truc, moi, je fais un plateau. Dans ma tête, c'est pas possible de me dire je vais mettre que des rebeux et des renoms. C'est pas possible de me dire je vais mettre que des mecs. Ouais, ouais, ouais, bah, il faut des femmes. Pour moi, c'est ça, en fait. Et ça devrait être comme ça. Les gens, tu sais, il y a eu beaucoup de polémiques autour des Césars. Ouais, la diversité. Hey, dans le cinéma, il y en a de la diversité. La preuve, entre l'année dernière et cette année, la majorité des gros Césars, c'est des gens de la diversité qui l'ont eu. entre Linda Coudry, J.P. Zadi, la petite qui a gagné là pour le film Les Mignonnes, Roche Dizem, Samy Bouadila. Tu vois ce que je veux dire ? Roche Dizem qui était président, Samy Bouadila qui a eu un César. La diversité, ils ont des prix. Les Misérables qui a eu un prix. Ils ont des prix, la diversité. Dans le cinéma encore, il y en a. Là où il y a moins de diversité, c'est à la télévision. Ouais. En fait, le seul moment où tu en vois, c'est dans les reportages. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a plein de choses dans lesquelles on devrait avancer, et c'est malheureux. Tout comme le côté raciste, un peu décomplexé qu'on voit sur les réseaux. Je suis désolé. Moi, je pense que si on contrôlait plus les réseaux, on aurait moins ce problème-là. Parce que, une fois, il m'a dit, mais tu sais, les haters, tu les crois jamais dans la vraie vie. Ouais, bah, ils se servent de l'anonymat, d'être derrière l'écran. Exactement. Et moi, c'est ce que je dis. Moi, si un jour j'ai la chance de parler avec un ministre, avec le ministre de l'Intérieur ou quoi, je lui dirais. À un moment donné, tous les réseaux sociaux, que ce soit surtout Twitter, mais que ce soit Twitter, Facebook et Insta, à chaque fois que vous voulez ouvrir un compte, il faut la pièce d'identité. Oui. Et tu verras qu'il y aura beaucoup de moins de racisme, beaucoup moins de menaces de mort, beaucoup de moins de ceci, cela, parce que moi, je viens, je fais n'importe quel compte, je fais un compte Mohamed, et je mets un drapeau de Al-Qaïda, je fais ce que je veux, et je viens, je profère des menaces à peu importe la personne, ils vont dire « Regardez qui me menace et tout ». Mais c'est moi derrière. C'est vraiment pas mes idées, c'est un faux compte, je fais ce que je veux. Pareil à l'inverse. Donc, si tu contrôles, tu mets une pièce d'identité, tu verras que les personnes, elles insulteront plus. Il y aura des avis divergents, mais toujours dans le respect, jamais dans l'insulte. Et puis, même si tu mets pas ta photo, parce que tu seras pas obligé de mettre ta photo, mais ton compte, il est relié à ta pièce d'identité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu harcèles quelqu'un, tu manques de respect à quelqu'un, tu es raciste envers quelqu'un, antisémite envers quelqu'un, islamophobe envers quelqu'un. Ouais, ça peut être attaqué. Tu peux être sanctionné par la justice et c'est plus pareil. Voilà, absolument. Mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. Il y a trop de haine sur les réseaux. Vraiment. La haine. Bah oui, tu parles de Twitter. Twitter, je crois que c'est le pire, c'est le Mordor, hein, franchement. Ah, mais moi, je le dis, moi. Twitter, c'est le réseau du diable. Non, mais vraiment, les gens veulent nuire constamment. C'est que des gosses, en fait. Les gens font croire que c'est, ça va mal. Ça va pas si mal que ça. Twitter, je vois les acharnements tous les jours. Hein. Tous les jours, ils s'acharnent sur quelqu'un. Mm-hmm. Je me dis, mais c'est pas possible. On peut pas être aussi méchant. Ouais. Je peux pas. Moi, de ma vie, c'est jamais arrivé ça, de ma vie, de voir un truc que j'apprécie pas forcément et d'aller commenter, dire c'est de la merde ce que tu fais et insulter. Ouais, ouais. Ma vie, c'est jamais arrivé ça. Moi, quand j'aime pas, je regarde autre chose. Je regarde même pas. Moi, j'aime la France profondément, tu vois. Mm-hmm. Où j'ai grandi, c'est le pays où mes parents ont émigré. J'aime ce pays, ok. Mais j'ai des réflexes dus au fonctionnement de ce pays qui sont pas normaux. Moi, j'aime pas me plaindre, mais je sais ce que j'ai vécu. Je sais le racisme que je vis indirectement ou des choses. Je sais que c'est du racisme. Je vais te donner un exemple. Je vis plus chez mes parents. J'habite dans une ville à côté de ma ville où j'ai grandi, ok. Mm-hmm. Qui est une ville plus cool que là où j'ai grandi. Là où j'ai grandi, c'est un peu c'est la cité. Mais là où j'habite, c'est plus cool, tu vois. La semaine où j'ai emménagé là, j'ai dû me faire contrôler 5-6 fois. Oh, sans aucune raison. Ouais, ouais. Ça te va ou pas ? Sans aucune raison, on me contrôlait. Un jour, il me contrôle, il me dit « Je vous connais ». Je dis « Oui, vous m'avez contrôlé hier ». Ça veut dire qu'il ne se rappelle même pas qui il contrôle. Et il contrôle de la même manière. Ouais. Un jour, j'étais avec ma nièce en voiture. Et moi, souvent, quand je suis avec mes neveux et mes nièces, j'essaie de leur faire comprendre le monde dans lequel on vit. Parce que c'est important. Je suis avec ma nièce en voiture, je suis au feu rouge et je vois une voiture de police sur le côté qui contrôle les gens. Mais là, il ne contrôlait personne, d'accord ? Avant moi, il y avait plusieurs voitures avant moi. Et je dis à ma nièce, t'as ta ceinture ? Elle me dit oui. Je lui dis, bah regarde, ils vont nous contrôler. Et ça n'a pas raté. Ah, ils nous ont contrôlés. Et là, on est la seule voiture qu'ils ont contrôlée. Et quand je lui dis à la policière, je lui dis, mais pourquoi vous me contrôlez ? Je lui dis, moi je sais. Elle me dit, qu'est-ce que vous assumez par là ? Je lui dis, mais je sais très bien pourquoi vous me contrôlez. Je vais vous contrôler parce que je suis un arabe. Elle me dit comment ça ? Non, parce que nous on pensait que vitre teintée. Je dis pardon, vitre teintée à l'avant. De quoi vous me parlez ? C'est interdit d'avoir des vitres teintées à l'avant. Ça se fait pas. Personne fait ça. Donc me dites pas il y avait des vitres teintées à l'avant. Elle savait pas quoi dire. Elle a bugué en fait. Je dis là vous rendez même pas compte de ce que vous faites. Je suis avec ma nièce. Regardez la vie que vous lui montrez à ma nièce. C'est ça en fait. C'est que vous contrôlez les gens sans aucune raison pour leur faciès. Fin de l'histoire. Elle était tellement pas bien qu'elle m'a dit allez-y. Ah ouais, ben là, ouais, c'est vrai que c'est flagrant malheureusement. Et puis j'ai l'impression que c'est qu'ils veulent faire du zèle malheureusement dans certains endroits. C'est malheureux. Je suis poli moi. Tant que tu me manques pas de respect, je vais pas te manquer de respect. Mais au bout d'un moment, J'ai plus 15 ans. Tu peux pas me sortir de la voiture, me fouiller devant tout le monde. Ça, c'est bon, j'ai passé l'âge. Quand j'étais petit, j'étais. Là, ça me dérangeait pas, j'étais petit, tu nous contrôlais 2, 3 fois par jour. Tu sais que je parle avec des gens, ils n'ont jamais été contrôlés de leur vie. Tu te rends compte ça ou pas? Moi, je me fais contrôler encore aujourd'hui, mais tu vois ce que je... tu vois dans quel pays on vit ou pas? Ouais, Je parle avec des gens, des gens dans l'humour et tout, ils n'ont jamais été contrôlés de leur vie. C'est normal qu'ils n'ont pas les mêmes rapports avec la police. Moi, je rentrais du foot, on me contrôlait. Je courais, j'allais faire mon sport, on me contrôlait. Mais on va où là? J'étais à Dubaï, écoute, j'étais à Dubaï. Je vais là-bas, je vais dans un restaurant un peu chic. Je suis avec un ami, il me dit, on va dans un restaurant. J'arrive et je lui dis, mais tu penses pas qu'ils vont nous recaler? Ah. On est dans un pays arabe. Ouais, Pour moi, ça m'a matrixé. ça t'a, Je me voilà, dis, ouais. peut-être ils vont me recaler là-bas. Ouais. Alors que, comment tu veux qu'ils me recalent au faciès? Je suis dans un pays arabe. Ouais, t'as été formaté un petit peu par Mais ce que bien t'avais. sûr. Ouais. Ben Bien sûr. bah, écoute, comme tu le disais tout à l'heure, on espère vraiment que ça va évoluer. Et puis, le fait qu'il y ait des émissions comme Click, tout ça, qu'il y ait de plus en plus de diversité, on va dire, dans le monde de l'humour et puis Mais de après, elles sont choses. bien. Bien, les émissions, même quotidiennes, c'est une bonne émission. Hein. C'est Ouais. juste qu'il faut un peu plus de diversité, c'est tout. Je pense Mais on que espère. c'est pareil On pour tout. espère C'est qu'il pour ça que y a. moi, quand je vois des mecs issus de la minorité faire des émissions que j'aime ou que j'aime pas, je Ouais. soutiens. Tu sais Oui, pourquoi t'es je content soutiens? parce que Parce c'est un que pas en ça avant. habitue les gens de voir de la diversité dans le paysage français. Tu comprends? Et ça, c'est important. Parce que tant qu'on n'aura pas ça en France, il y a plein de postes qu'on n'aura pas. On ne nous laissera pas. Et aux États-Unis, il y avait la ségrégation il y a 60 ans, ils ont eu un président noir entre-temps. Pour avoir un président noir ou arabe en France, tu peux attendre. Déjà, juste pour avoir un président femme en France, tu peux attendre. Donc, tu sais, on est. C'est dur. Et pourtant, j'aime ce pays. Hein. Et le Oui, c'est pays n'est pas justement parce facile. qu'on l'aime qu'on veut qu'il soit à l'image de la multiculturalité qu'il est réellement. Tu vois, qu'on arrête de nous faire croire qu'il n'y a que telle catégorie ou telle catégorie, qu'on arrête de nous mettre dans des cases et tout. Mais on espère que ça va évoluer et puis on va tout faire pour ça. Hein. En tout cas, ben, merci beaucoup Mais pour de ta rien. gentillesse. Franchement, c'était un plaisir de te recevoir dans le podcast. Merci pour tes petites anecdotes de clics, c'était très sympa. Et puis pour les réflexions beaucoup plus poussées qu'on a eues dans le podcast. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ahmed Sparrow, majoritairement sur Instagram. Parfait, donc Ahmed Sparrow sur Instagram. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.